and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. On est lundi, il est 19h30, c'est l'heure de Music and the City. Alors bonjour à tous, vous qui rejoignez les ondes de Fadjet. Music and the City, on le sait, c'est de la musique, le temps d'une petite demi-heure musicale pour s'évader et découvrir ou redécouvrir des artistes à travers des inédits, des tubes ou encore des versions alternatives. Et ce soir, on s'attaque à la chanson française. Avec uniquement que des artistes francophones, on découvre ça dans un petit instant, mais on commence avec une comédie musicale, Adam et Ève. La chanson « Rien ne se finit » est portée par le talentueux Thierry Amiel qu'on a entendu la semaine dernière et en duo avec Cilia, une jolie chanteuse. Un titre sublime sur le destin de l'homme et la femme, en lettres majuscules bien évidemment, pour très bien démarrer la soirée. Alors bon appétit à vous si vous allez passer à table. On se retrouve dans quelques instants après ce titre divin. Partir avec l'impression d'avoir fait son devoir, quelles que soient ses ambitions, son histoire. Même qu'il n'y ait qu'une raison à sa vie si bas, qu'on laisse une trace ou non derrière soi. On s'en va. Rien ne se finit après nous. Il reste encore la vie après nous. Rien ne s'arrête jamais. Il y a un après. Partir n'est juste qu'un rendez-vous. Le temps n'est pas assez long et nous que provisoire. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Qui dit chanson française dit forcément séduction. Parce que oui, nous sommes le pays de l'amour. Découvert en plein milieu des années 80, sa voix rocailleuse a séduit très rapidement la gente féminine. Avec le carton, elle a les yeux revolvers. Marc Lavoine, donc, n'a pas honte de pouvoir dire qu'à 55 ans, il garde son titre de noblesse de l'un des plus grands séducteurs de la chanson française. Et quand en 2001, il propose à la belle Christina Marocco un duo, eh ben c'est la France entière qui est séduite. Premier au classement France pendant 2 semaines, le titre est certifié disque d'or quelques temps après. Et 17 ans plus tard, nous n'avons pas tout oublié, à l'instar des deux protagonistes de la chanson, car tout de suite, J'ai tout oublié de Marc Lavoine en duo avec la belle Christina Marocco et en version live. Allez, c'est cadeau. Ailleurs, je ne reconnais plus ma vie. Parfois, je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que je t'ai. Mon nom ne me dit rien ni la photo sur mes papiers. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle. Quand on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je ne sens plus. Comment fait-on l'amour si j'avais, si j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour si j'avais, si j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. À deux pas d'ici, j'ai essayé de revenir. Je me suis coupé les cheveux, j'ai rasé les murs. Ce que j'ai fait, je n'en suis pas sûre. Quand on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. Comment fait-on l'amour si j'avais, si j'ai tout oublié. Tu m'as oublié. Les mots doux de velours, je n'écris plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Comment faire l'amour si j'avais, si j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. J'ai tout oublié. tu m'as oublié. Music in the City sur Fadjet. Mylène Farmer est sans doute l'artiste musicale la plus connue et la plus populaire de France. Au même titre que Johnny Hallyday, on pourrait même parler de légende de la chanson française. Rien ni personne n'aurait pu prédire ce succès lorsque le single « Maman a tort » est sorti en 1984. Et pourtant, ce sera pas moins de 100 000 exemplaires qui seront vendus cette année-là. Et à partir de là, la machine Farmer est en marche. 10 albums studio, des dizaines de singles et pas un seul échec commercial. Mais qu'est-ce qui attire autant chez Mylène? Ça se posait la question. Est-ce que c'est le mysticisme, la discrétion, la liberté d'expression ou les textes qu'on ne comprend pas toujours? En tout cas, ça fonctionne et c'est tant mieux. Et même les Américains commencent à s'y intéresser fortement. En 2010, Red One, qui est l'un des producteurs de Lady Gaga, va même jusqu'à composer la musique du titre « Oui mais non », qui est extrait de l'album « Bleu Noir ». Alors si vous vous attendiez à entendre l'un de ces mythiques tubes des années 80, eh ben c'est perdu. Parce que c'est « Oui mais non » tout de suite sur Fadjet. Et comme c'est une chanson dansante, c'est pour se désinhiber avant le dessert. Baby love, you baby boy love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, The City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Je vous avais promis des stars incontournables de la chanson française, et ben je me suis pas foutu de vos galettes des rois. Oui, parce que c'est le moment de la galette des rois, et surtout, l'homme qui arrive tout de suite est le roi, pour moi. De la chanson française. Grand compositeur-interprète de France, Michel Polnareff, évidemment. L'homme au fait salaire sur ses affiches du Polnar Révolution en 1972 n'a jamais cessé de faire polémique tout au long de sa carrière. Et puis quelle carrière ! Il a écrit et composé les plus belles chansons du répertoire français. Le bal des Lases, On ira tous au paradis, Lettre à France, Goodbye Mary Lou. Un succès qui ne démord pas encore aujourd'hui parce que 50 ans plus tard, chacun de ses concerts est un véritable événement qui affiche sold out en quelques heures. Et alors que les congés de Noël sont en train de glisser lentement derrière nous, c'est avec un peu de douceur de Polnareff et le titre Holidays, tout droit venu de 1972, que nous allons continuer cette émission. Et ça, joli oui. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Digne successeur de nos Johnny, Eddie Mitchell ou encore Paul Na qu'on vient d'entendre, Julien Doré est presque perçu comme un ovni musical dans le paysage culturel français. Bon, faut dire qu'il a su quand même se démarquer pendant son passage à l'émission Nouvelle Star en reprenant Moi Lolita d'Alizé. La chanson, c'est un petit peu un texte féminin, un peu féministe aussi, chanté par un homme, il fallait oser. Mais le succès était quand même là. Alors depuis, qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Il y a eu 4 albums studio, et faut avouer qu'on a presque totalement occulté que sa notoriété vient d'un télécrochet. Alors il fait partie de ces artistes totalement atypiques, totalement uniques, avec un univers décalé, mais aussi mélancolique. Une voix de crooner, elle y est un peu pour quelque chose aussi dans cet univers. Méfiance, moi j'ai envie de dire. Monsieur Marc Lavoine, surveillez vos arrières. On pourrait vous piquer la place. En tout cas, ce soir, Julien Doré va reprendre dans Music and the City un grand tube de notre regretté Serge Gainsbourg, La Javanaise. Mais attention, pas dans une version ordinaire. Non, non, vous attendez pas à ça. En japonais. Oui, en japonais. Pourquoi pas? C'est de la phonétique. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon. Je remercie Manu qui m'a fait découvrir, parce que c'est unique, complètement unique. Allez justement aussi sur le Facebook de l'émission voir le clip qui sera diffusé cette semaine. Parce que Julien Doré, en mini short en jean, sur une mini moto, ça vaut le détour. Beaucoup à coucher, mon amour. Kimi wa eiki nano, mon amour. Kokoro yose, odoru la javanaise. Aishiata boku. Chanson. Beaucoup no kata omoi, mon amour. Kimi o aishite ta, mon amour. Music in the City sur Fadjet. Une émission qui se termine dans la joie, la bonne humeur, avec une reprise de La Javanaise par Julien Doré. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter pour se quitter ce soir ? Eh bien déjà, de rejoindre le Facebook de l'émission Fadjet-Music and the City, de rejoindre également le Facebook des amis de la team VHS, Fadjet-Génération VHS, et de rejoindre aussi le Facebook des amis de Geek World, Fadjet-Geek World, évidemment. On se retrouve lundi prochain, même heure, même animateur, avec deux nouvelles chansons à découvrir pour justement passer un agréable moment. Ah, j'oubliais aussi, n'hésitez pas à écouter le replay le samedi à 18h30. Bonne soirée à vous et ciao !